Moi, je veux bien compléter, puisque je me suis interrompue tout à l'heure pour ne pas parler trop longtemps, je n'ai pas fait le micro. Ça, donc, ce que je voulais dire qui va dans le contexte de la discussion maintenant, c'est que un des points qui me paraît les plus difficiles, les plus dangereux, c'est l'arrivée, je ne dirais pas en masse, mais quand même importante, de gestionnaires, de gens imprégnés de. Des leçons d'HEC d'ailleurs, aux directions administratives de nos universités, et ça, effectivement, dans la mise en place de la LRU. Donc, les équipes présidentielles ont complètement changé. De fonctionnaires de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur qui avaient des fonctions administratives, on passe à des profils totalement différents. Alors, je pense que c'est un des points qu'on peut expliciter. Vis-à-vis de nos collègues aussi, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, les conséquences, c'est que derrière ça, il y a des critères, il y a des indicateurs, il y a des items qui changent. Et peut-être faut-il mettre en discussion, expliciter, mettre au grand jour et expliciter les critères sur lesquels maintenant on juge et la performance, entre guillemets, des individus, des équipes et des institutions. En quelque sorte, et peut-être c'est ce débat-là qui pourrait remettre en mouvement un peu nos collègues contre la fatalité, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de brouillard actuellement là-dessus, volontaire ou pas, je ne sais pas. Les présidents, là, ont la main sur qui ils embauchent, finalement, hors du statut de la fonction publique, et c'est là aussi qu'on trouve les primes et tout le bazar. Tout ça va ensemble. Mais alors là, l'expérience de nos amis qui sont au conseil d'administration peut peut-être être utile, hein, plus sur ce qui se passe dans notre maison. Hein. Il me semble que là, il y a des défis auxquels on va être confrontés très bientôt et qui vont être probablement d'ailleurs l'objet de vote au CTP et au conseil d'administration. Comme le passage aux compétences et responsabilités élargies. Et alors là, précisément, quelles sont nos modalités d'action? Parce qu'il faut quand même bien voir que ça change l'équilibre des pouvoirs de façon fondamentale au sein des établissements universitaires. Nous, on est relativement petits, on a peut-être quelques petites chances d'échapper à un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas si facile que ça. Et moi, ce que tu disais sur l'indépendance du maître de conférence ou du professeur, je crains que précisément ce soit quelque chose qui soit en train de s'étioler dans le cadre de la LRU et qu'un des objectifs fondamentaux de la LRU, c'est de diminuer considérablement cette indépendance. Oui, allez-y.